Alors, formation dirigeant Lille. CPA. Tiens, c'est quoi ? Une formation diplômante dans un cadre vert partagé par des dirigeants et avec un retour sur investissement immédiat pour mon entreprise. C'est parfait, ça ! Allez, je télécharge la plaquette sur copimanagement.com. CPA, une formation CPI Management. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire du film Naissance d'une Nation, réalisé en 1915 par l'Américain David Wargreave. Plus d'un siècle après sa sortie, l'onde de choc provoquée par ce film pionnier continue de résonner. Oui, tant il porte en lui un double héritage, à la fois chef-d'œuvre du cinéma et monument du racisme. Naissance d'une Nation, c'est d'abord l'histoire d'une révolution. Le 8 février 1915, tandis que l'Europe se meurt dans la Grande Guerre, les Américains découvrent le premier long métrage de l'histoire du cinéma hollywoodien, sa première superproduction et aussi son premier grand succès financier. Le film de Griffith tiendra le haut de l'affiche pendant plus de 10 ans et sera vu par un quart du pays. Sans aucun doute, l'Amérique tient là son chef-d'œuvre. Mais c'est là également que le bât blesse, car ce film, qui raconte l'histoire de deux familles pendant la guerre de sécession, est aussi une apologie du Ku Klux Klan et de la suprématie blanche, Naissance d'une Nation, donne alors une histoire politique. Grâce à lui, le clan renaît en effet de ses cendres et défile désormais à visage découvert, tout comme ses opposants, premiers défenseurs des droits civiques aux États-Unis. Au cours de notre récit, vous entendrez de nombreuses archives extraites du documentaire intitulé D.W. Griffith, Naissance du cinéma, réalisé par David Gill et Kevin Brownlow en 1993 et diffusé dans l'émission La 25e heure sur France 2 quelques années plus tard. Notre invitée aujourd'hui, Anne Crémieux, enseignante-chercheuse à l'université de Nanterre Paris 10. Elle a publié en 2004, chez l'Harmattan, un ouvrage intitulé « Les cinéastes noirs américains et le rêve hollywoodien » et elle contribue régulièrement au magazine Africulture. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Biziou. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Février 1915, Los Angeles. Ces soirs de première au Clunes Auditorium, palais du cinéma muet de la côte ouest américaine. Sous les néons, devant ses portes, 3000 personnes piétinent d'impatience, l'excitation est palpable, car la promesse, immense. Avant même sa projection, le nouveau film du réalisateur américain David Wargreave bouleverse tous les codes du cinéma, un art qui a tout juste 20 ans. Habitué des courts-métrages, de ce qu'on appelle alors le one-reeler, film d'une bobine d'un quart d'heure, Griffith choisit cette fois de raconter son histoire en 12 bobines, soit plus de 3 heures, du jamais vu aux États-Unis. Il y consacre aussi la somme, à l'époque faramineuse, de $110 000. C'est que le projet est ambitieux. Réaliser une grande fresque sur la guerre de sécession dont on commémore en cette année 1915, le 50e anniversaire. Peu à peu, les spectateurs prennent place dans l'immense salle de projection, fauteuil rouge, fresques, rococo et colonnes grecques. Parmi eux, Carl Brown, cadreur du film à l'honneur ce soir-là. 60 ans plus tard, en 1976, il s'en souvient comme si c'était hier. Je ne me doutais pas une seule seconde de ce qui m'attendait. Mais j'étais assis et je regardais les musiciens arriver et remplir complètement la fosse d'orchestre. Je me suis alors aperçu que le philharmonique de Los Angeles avait été engagé pour jouer la musique du film. Une première. Le chef d'orchestre a levé sa baguette et l'a maintenue en l'air un instant. Et quand il l'a abaissé, il s'est produit un formidable... Enfin, je n'avais jamais entendu un son aussi fort. Le rideau se lève, D.W. Griffith présente The Clansman. Le premier carton du film affiche son ambition. Si cette œuvre expose les ravages de la guerre, au point que celle-ci apparaisse tel un objet d'horreur, cet effort n'aura pas été vain. Puis un deuxième intertitre annonce la couleur, politique, polémique, je cite là encore. La venue forcée d'Africains en Amérique planta les premières graines de la division. Les plans en noir et blanc se succèdent. Flashback d'abord sur un esclave débarquant aux États-Unis, le dos courbé, les pieds et les poings liés. Avance rapide, nous sommes à présent en 1860, un an avant la guerre de sécession, aux côtés des abolitionnistes du Nord. Parmi eux, un certain Austin Stoneman, personnage inspiré du vrai Thaddeus Stevens, député républicain, opposant acharné à l'esclavage. Changement de décor. La famille Stoneman rend visite à ses amis de Caroline du Sud, les Cameron. La guerre civile semble encore loin. Ce sont les temps heureux, images pittoresques et fantasmées du vieux Sud, où les riches propriétaires blancs se prélassent en costume trois pièces, avachis sur leur rocking chair. Au loin, les champs de coton s'étendent à perte de vue. Les esclaves y travaillent dur, mais de bon cœur, pour leur maître. Entre les familles Cameron et Stoneman, les histoires d'amour et d'amitié fleurissent à l'ombre des villas coloniales. Mais en novembre 1860, l'élection de Lincoln provoque la scission des États-Unis. Les États du Sud se regroupent pour former les États confédérés d'Amérique, bientôt en guerre ouverte contre ceux du Nord, appelés l'Union. La prochaine rencontre des familles Cameron et Stoneman se fera ainsi sur le champ de bataille. Le film entremêle alors destin national et histoires intimes, fictions et reconstitutions historiques, comme la bataille de Petersburg, une véritable prouesse cinématographique, avec de vrais canons et des centaines de figurants. Pour les diriger, Griffith fait avec les moyens du bord, comme l'explique le cadreur Carl Brown. Pour donner ses ordres, Griffith n'utilisait pas un mégaphone, car le son aurait été couvert par le bruit des balles à blanc. Mais une série de drapeaux, rouges, blancs, jaunes, bleus, roses, etc., qui pouvaient être agités s'ils voulaient plus d'action d'un côté ou de l'autre, ou bien au milieu, tout ça pouvait être indiqué avec les drapeaux. Au cours de cette bataille, le jeune sudiste Ben Cameron, surnommé le petit colonel, est fait prisonnier par les soldats du Nord. Puis la guerre se termine, le Sud est vaincu et le petit colonel est gracié. Juste à temps. Quelques jours plus tard, en effet, Abraham Lincoln, partisan d'une politique de réconciliation, est assassiné au théâtre Ford de Washington. Un attentat qui permet aux radicaux nordistes, représentés par le personnage d'Austin Stoneman dans le film, de mener une politique brutale et revancharde dans les États du Sud. Qu'allons-nous devenir ? S'interrogent avec effroi les Cameron. Fin de la première partie, rideau. Après 1h30 de projection, les lumières se rallument au Clunes Auditorium de Los Angeles. Ce 8 février 1915, les spectateurs de The Clansman découvrent pour la première fois les joies de l'entracte. Alors on s'extasie du spectacle, le montage est rythmé, les trouvailles permanentes et le jeu des acteurs, alors impressionnant. Pas de doute, la suite s'annonce grandiose. D'ailleurs, la cloche sonne la fin de l'entracte. La deuxième partie du film de Griffith est consacrée à ce que les historiens appellent la reconstruction. En 1865, après 4 années de guerre civile, la plus meurtrière de l'histoire américaine, les États-Unis se réveillent profondément divisés. Certes, l'Union a été préservée et l'esclavage aboli grâce au 13e amendement. Mais avec la disparition de Lincoln, la reconstruction s'annonce difficile. Des deux côtés, les rancœurs et les passions ont du mal à s'éteindre. Les maux de la guerre ne disparaissent pas lorsque cessent les hostilités, annonce le carton introductif de cette deuxième partie. Puis, Griffith cite un extrait du livre « Histoire du peuple américain » de Wilson Woodrow, l'actuel président des États-Unis, originaire du Sud. Un ouvrage qu'il a publié 10 ans plus tôt et qui témoigne d'une vision, disons, toute personnelle de l'histoire. Dans les villages, les Noirs tenaient les bureaux, eux qui ne connaissaient de l'autorité que l'insolence qu'elle autorise. La politique du Congrès entraîna une régression de la civilisation au Sud, tant ses dirigeants étaient déterminés à placer le Sud blanc sous la botte du Sud noir. Les hommes blancs étaient mus par l'instinct de conservation, jusqu'à ce qu'enfin soit fondé le grand Ku Klux Klan, véritable empire du Sud, voué à protéger les campagnes sudistes. Ce carton est pour ainsi dire le résumé de la seconde partie du film. Ben Cameron, le petit colonel, rentre de guerre. Il découvre alors son Sud natal au lendemain de la défaite, vivant sous la coupe des gens du Nord, dont le patriarche Austin Stoneman, et d'une milice d'hommes noirs, ivrognes, pillards, violents et violeurs, qui fait régner la terreur. Dans une scène célèbre, Flora Cameron, la sœur du petit colonel, est poursuivie par l'un d'entre eux. Piégée au bord d'une falaise, la jeune fille se suicide en se jetant dans le vide. Voilà donc à quoi ressemble le Sud blanc sous la botte du Sud noir. Mais bientôt, le petit colonel organise la résistance et fonde le Ku Klux Klan. À la tête de ses cavaliers masqués, il venge sa sœur et multiplie les expéditions punitives. Grâce au clan, l'ordre racial est restauré par le sang et un double mariage finit par unir les familles Cameron et Stoneman, le Sud et le Nord, symbole de la réconciliation de l'Amérique. The end. Après 3 heures de projection, c'est un tonnerre d'applaudissements. En une soirée, ce 8 février 1915, The Klansman vient de révolutionner l'histoire du 7e art. Par sa durée et ses moyens de production, on l'a dit, mais avant tout, sur un plan artistique. Pour la première fois, Riffit utilise l'image comme un véritable outil d'écriture et invente ainsi un nouveau langage, comme l'explique le critique et historien Jean Mitry sur les ondes de l'ORTF en 1966. David Wark Griffith, le réalisateur de Naissance d'une Nation, ne fut pas seulement le premier grand metteur en scène de l'histoire du cinéma, mais on peut dire, en gros, qu'il fut le créateur de tous les moyens d'expression fondamentaux du langage filmique. Par moyens fondamentaux, disons brièvement la multiplicité des plans, la multiplicité des points de vue, le montage et, bien entendu, le rythme et les significations qui s'ensuivent. Avant de devenir le père du cinéma hollywoodien, la route fut longue pour Griffith. Il naît 40 ans plus tôt, en 1875, dans le Kentucky, pays de l'herbe bleue, des chevaux et du whisky. Il a 10 ans lorsque son père, vétéran de la guerre de sécession, meurt d'alcoolisme. Sa famille tombe alors dans la grande pauvreté, typique du Sud, version white trash. Le petit Griffith se réfugie dans les livres et rêve de devenir écrivain ou acteur. À 15 ans, sans un sou en poche, il part sur les routes, écumer les théâtres d'abord, puis les Nickelodeons, ces premières petites salles de cinéma qui fleurissent un peu partout dans le pays. Et c'est une révélation. Griffith comprend très vite la force de ce nouveau média. En 1908, il part à New York et entre comme réalisateur à la Biograph, l'une des premières sociétés de production américaine. Extrêmement inventif, Griffith devient peu à peu un cinéaste respecté. Il enchaîne les tournages et les succès de la comédie jusqu'au western. En 5 ans, il ne signe pas moins de 450 courts-métrages d'une durée de 15 à 30 minutes chacun. C'est bien, mais c'est trop peu pour Griffith, qui rêve désormais d'élever le cinéma au rang d'art à part entière. En 1911, il quitte New York pour Los Angeles et fonde le tout premier studio d'Hollywood. Il cherche alors une nouvelle histoire, à raconter une histoire au long cours, à la démesure de son ambition. Il se replonge dans ses souvenirs d'enfance, dans les récits que lui racontait son père, lieutenant-colonel sudiste pendant la guerre de sécession. Des années plus tard, en 1930, Griffith le raconte dans une interview filmée. Tout a commencé dans mon enfance, caché sous la table. J'écoutais mon père et ses amis raconter leurs batailles, leurs luttes. ça m'a marqué. Mon père évoquait les combats jour après jour, nuit après nuit. Il ne mangeait que des grains de maïs. La guerre de sécession, voilà la grande histoire qui le fascine depuis toujours et qui obsède l'Amérique tout entière depuis 50 ans. Voilà le grand sujet qu'il attendait. En 1913, Griffiths commence le travail. Pour le scénario, il décide d'adapter un roman à succès publié quelques années auparavant, The Clansman, traduisait L'homme du clan. Son auteur s'appelle Thomas Dixon. C'est un pasteur sudiste, député de Caroline du Nord et surtout viscéralement raciste. Avec ce roman, Dixon souhaite rendre hommage au Ku Klux Klan, organisation suprémaciste blanche qui naît en 1865 dans le Tennessee au lendemain de la guerre de sécession. Elle sera interdite et dissoute 12 ans plus tard. Mais selon Dixon, les chevaliers du clan étaient au service de causes justes. Combattre l'oppression subie par le Sud depuis la défaite et rétablir l'ordre racial. The Clansman prend alors très ouvertement parti pour la politique de ségrégation mise en place dans certains États. Résultat, le roman de Dixon est un énorme best-seller, déjà adapté au théâtre et bientôt sur grand écran grâce à Mr. Griffith. Après des semaines de répétition, le tournage débute en Californie le 4 juillet 1914. Budget initial, 40 000 dollars. Au bout du compte, le film en coûtera plus de 110 000, l'équivalent d'un million et demi d'euros aujourd'hui. Mais la production, elle, reste artisanale. Chacun participe à la logistique, techniciens, acteurs et figurants prêtent main forte. Par souci d'économie, les acteurs jouent aussi plusieurs rôles. Soldats blancs un jour, esclaves grossièrement grimés en noir le lendemain. En fait, l'immense majorité des noirs du film sont interprétés par des blancs. C'est la triste époque du blackface. Sur le plateau, on retrouve aussi de nombreuses vedettes de la biographe, comme Lillian Gish, qui en 1993 raconte la façon dont Griffith travaille avec ses acteurs. And he said... Ne jouez pas de façon désinvolte. Croyez-y vraiment. Faites de votre mieux. Faites passer l'émotion de la façon la plus subtile possible. Et dans tous les cas, ne méprisez jamais votre public. Le tournage dure 9 semaines, le montage 3 mois. Fait exceptionnel à l'époque, une partition musicale complète est associée au film. Ce qui valait bien la présence de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles le jour de la première, ce fameux 8 février 1915 au Clunes Auditorium. Après le plébiscite des premiers spectateurs, Thomas Dixon, l'auteur du roman adapté, convainc son grand ami du lycée actuel président des États-Unis, Wilson Woodrow, lui-même, de faire projeter The Clansman à la Maison Blanche. Du jamais vu, c'est le cas de le dire. Et là encore, on s'extasie. Le président est particulièrement impressionné par l'une des dernières scènes du film. Sur la musique de la chevauchée de Walkeri de Wagner, des dizaines de chevaliers du Ku Klux Klan, robes et cagoules blanches sur la tête, apparaissent à l'horizon, tels des guerriers de légende. Ils approchent à toute allure, prêts à sauver le sud de ces noirs que la liberté a rendu fou. Le montage est plastiquement parfait, la tension inédite. À bout de souffle, le président aurait déclaré « c'est écrire l'histoire avec la foudre ». En réalité, ce n'est pas étonnant que ces trois hommes, Griffith, Dixon et Woodrow, partagent la même vision de la guerre de sécession. Ce sont tous les trois de purs produits du Sud, des enfants de la reconstruction façonnés par la discrimination raciale. Le président Woodrow, cité dans le film d'ailleurs, rappelons-le, vient de faire voter l'instauration des nouvelles lois ségrégationnistes à travers le pays. Il devine alors la portée et la force politique de ce premier long-métrage de l'histoire du cinéma hollywoodien et sans doute son premier film de propagande. Griffith, lui, en a-t-il conscience? Eh bien, pas complètement, si l'on en croit son cousin, Francis Oglesby. On l'a traité de raciste, mais il ne l'était pas consciemment. Quiconque élevé dans un environnement où se trouvaient des esclaves était inconsciemment raciste, d'une certaine manière. « Le 3 mars 1915, fort du soutien de la Maison Blanche, le film est présenté à New York au Liberty Theatre, accompagné d'une compagnie marketing inédite. Des affiches du film représentant un membre du Ku Klux Klan à califourchon sur un cheval cabré sont placardées partout dans toute la ville. Le titre du film lui-même est changé pour devenir « Naissance d'une nation franchement plus racoleur ». Le succès est immédiat, la polémique aussi. Alors, par prudence, le Liberty Theatre refuse de vendre des tickets aux Afro-Américains. Les exploitants savent que si une altercation ou une bagarre éclate sur fond de racisme, le film pourrait bien être interdit. Alors autant ne pas prendre de risques. Mais dans les milieux libéraux new-yorkais, on ne tarde pas à réagir. Une chronique publiée dans The Macy's, un journal radical de Greenwich Village, déclare que Naissance d'une nation pervertit l'histoire, incite aux préjugés raciaux et justifie les crimes. De nombreux intellectuels prennent également la parole contre, je cite, « cette tentative préméditée de décrire 10 millions d'Américains comme des fauves ». De son côté, la toute jeune Association nationale pour la promotion des gens de couleur, la N2ACP, lance une vaste mobilisation pour faire interdire le film, une lutte qui va lui permettre de s'imposer comme un véritable acteur de la vie politique. And now I'd like to sing a tune that was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it. Bear strange fruit, blood on the leaves, and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here is a strange and bitter crop. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Il y avait des gens qui pleuraient. Certains murmuraient « Oh God, mon Dieu !» D'autres « Bon sang !» On les entendait, le public réagissait. C'était un sentiment abominable. On avait l'impression de ne rien valoir, de ne même pas exister. Je vais vous dire, c'est bien simple. J'avais envie de J'aurais aimé y être, pour qu'ils me voient et que je puisse en tuer quelques-uns. J'avais envie de tuer tous les Blancs. En 1915, peu de temps après la sortie sur grand écran de Naissance d'une nation, l'acteur William Walker découvre le film de Griffith dans un cinéma réservé aux Noirs. Comme vous venez de l'entendre, il en ressort profondément bouleversé, habité par un sentiment de haine, nourri lui-même par une vie de discrimination. Ses envies de meurtre répondent au lynchage subi par son peuple, plus d'une centaine chaque année aux États-Unis à cette époque. Selon lui, le film célèbre ses exactions, et il n'est pas le seul à le penser. Pour la NACP, l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, le film est historiquement inexact et, avec un certain génie, conçu pour excuser, justifier les lynchages. L'organisation de lutte pour les droits civiques, qui a tout juste 6 ans, se lance alors dans un long combat pour faire interdire le film. Avec seulement 5000 membres et peu de ressources, elle multiplie l'envoi de lettres et de télégrammes aux organismes de censure. En vain. Et c'était sans compter sur un journaliste du nom de William Monroe Trotter. Fils de métis bourgeois, diplômé de Harvard, il est l'un des cofondateurs de la NACP et aussi le créateur du journal The Guardian de Boston. Sa devise, inscrite en première page, c'est « Pour tous les droits, de tout votre poids ». Et c'est bien ce que Trotter compte faire. Alors que la sortie de Naissance d'une nation est prévue à Boston pour le mois d'avril 1915, il demande au maire de la ville, James Curley, ardent défenseur des droits civiques, de faire interdire le film. Mais l'élu préfère la voie de la conciliation et organise une audience entre Trotter et D.W. Griffith, comme le raconte le journaliste Dick Lehr dans le documentaire « Naissance d'une nation, naissance d'une contestation » réalisé par Bester Cram il y a 3 ans. Griffith vient défendre son film à Boston en ayant préparé ses arguments. Tout d'abord, il est convaincu de son exactitude historique. Ensuite, il profite de son statut de premier grand réalisateur américain pour ériger son cinéma en art et invoquer le premier amendement, celui de la liberté d'expression. À l'époque, le premier amendement ne concerne pas vraiment les arts et la culture, contrairement à aujourd'hui. À la fin de l'audience, Curley demande à Griffith s'il accepterait d'édulcorer l'une des scènes les plus polémiques, celle où Gus poursuit Flora. Il prend les passages qui posent problème, fait une coupe par-ci, change un plan par-là, mais au bout du compte, l'œuvre ne subit pas de changement notable. Face au refus du maire d'interdire le film, William Trotter décide de passer à l'action dans la rue. La politique du compromis est un échec, la politique de l'agitation et de la résistance mérite d'être essayée, déclare-t-il. Le 15 avril 1915, avec les dirigeants locaux de la NACP, il se rend devant le cinéma qui projette Naissance d'une nation, cinéma qui, ici aussi, a interdit l'accès aux Noirs. Mais Trotter exige de pouvoir acheter un billet. En réponse, il reçoit un coup à la tête par un policier en civil avant d'être arrêté. Et bientôt, une centaine de policiers déployés autour du cinéma. Certains sympathisants parviennent tout de même à entrer dans la salle. Mais la projection dégénère, les huées, les sifflets fusent, on jette des œufs sur l'écran. Dehors, dans le plus grand parc de Boston, des milliers de manifestants se sont déjà rassemblés. Quelques jours plus tard, ils seront plus de 3000 Afro-Américains à marcher pacifiquement jusqu'au siège du gouvernement de l'État. On n'avait jamais vu ça. Et avec 45 ans d'avance, on se croirait presque dans les années 60. Un manifestant témoigne. En voyant cette immense foule d'hommes et de femmes noires, j'ai eu cette pensée. Voilà un peuple uni, et ceux qui sont aujourd'hui une minorité finiront par l'emporter. Si nos principaux leaders, Booker T. Washington, W.E.B. Du Bois et William Trotter, mettent leurs différends de côté et s'unissent, ils rassembleront derrière eux 10 millions de Noirs et ce sera vraiment la naissance d'une nation. Si l'unité du mouvement n'est pas encore sur la table, la révolte de Boston, elle est contagieuse. À Philadelphie, Chicago, Denver ou encore Saint-Louis, des manifestations monstres éclatent devant les cinémas qui projettent naissance d'une nation et qui virent parfois l'émeute. À la fin du mois d'avril 1915, la protestation est si grande que le président des États-Unis finit par nier avoir approuvé cette malheureuse production, comme il dit maintenant. Pourtant, malgré les efforts acharnés de la NACP, seuls l'Ohio et le Kansas imposent une interdiction de diffusion sur leur territoire. Une mince victoire au regard du succès gigantesque du film, porté aussi par la polémique. Au cours des premières semaines d'exploitation, Naissance d'une nation attire des milliers de spectateurs jusqu'à devenir le plus gros succès de l'histoire du cinéma muet. Dans les États du Sud, le film triomphe plus fort encore et électrise littéralement les foules, sensibles à cette vision idéalisée du Sud esclavagiste, jusqu'à donner des idées aux plus exaltées. En novembre 1915, Naissance d'une nation est présentée pour la première fois à Atlanta, en Géorgie, une ville sous haute tension, où la ségrégation raciale fait rage depuis les terribles émeutes de 1906. Pendant deux jours et deux nuits, sans répit, une foule de blancs armés s'en était pris aux Afro-Américains de leur ville, une cinquantaine, et pendus aux arbres, aux lampadaires, sous les yeux de tous. La société d'exploitation du film est alors mise en garde. Attention, son film risque d'attiser un peu plus encore les braises de la haine. Le cadreur Carl Brown raconte la réponse du réalisateur. Quelqu'un a dit que si l'on projetait un tel film à Atlanta, il y aurait des émeutes raciales. Griffith a répondu, j'espère bien qu'on le projettera là-bas. Il ne souhaitait pas particulièrement qu'il y ait des émeutes avec des blessés. Mais c'est toujours pareil. Au Gard, quand vous avez un bon jeu, qu'on est sûr de gagner, on ne peut que le jouer. Le 25 novembre 1915, quelques jours après la projection du film, le Ku Klux Klan, organisation dissoute depuis 30 ans, renaît de ses cendres. À une quinzaine de kilomètres d'Atlanta, au sommet de l'imposante Stone Mountain, l'enseignant William G. Simmons rassemble une quinzaine d'illuminés autour d'une croix en feu pour prêter allégeance à ce qu'il appelle l'Empire invisible. Pour les personnes en charge de la publicité du film, cette résurgence du clan est presque une aubaine. Oui, une occasion de plus pour faire parler de Naissance d'une nation. Elle se lance même dans un merchandising douteux, robe blanche et coiffe pointue, et loue les services de cavaliers encapuchonnés pour promouvoir les séances. Et bientôt, le clan connaît des records d'adhésion. Dans les années 20, l'organisation passe de 2000 à 300 000 membres. Du jamais vu, ni avant, ni après. Naissance d'une nation nous a énormément aidés, confesse William G. Simpson, devenu depuis grand wizard du clan. Un siècle plus tard, on se pose toujours la question, de quoi Naissance d'une nation est-il le nom? Sans aucun doute, le film de Griffith a pris la place qui lui revient dans l'histoire du cinéma, chef-d'œuvre artistique, pionnier à plus d'un titre. Avec le temps, il est même devenu un monument national, ancré dans la mémoire des Américains. Certains préfèrent se souvenir de l'homme notre père à tous, disait Chaplin, d'autres de la réalité de son heure, un film de propagande qui engendrera des décennies d'imagerie raciste et oppressive. On aimerait aussi se souvenir d'autre chose. Le combat mené contre Naissance d'une nation a permis à la NACP de s'imposer comme l'une des organisations les plus actives pour les droits civiques. Entre 1915 et 1920, elle passe en effet de 5 à 80 000 membres et va ainsi structurer toutes les campagnes de protestation qui caractériseront le long combat des Noirs américains au XXe siècle. Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. love to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia. Oh, Georgia. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said just an old sweet song. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire du film Naissance d'une nation. Notre invitée Anne Crémieux, bonjour. Bonjour Anne Crémieux, voilà, vous m'entendez bien, parfait. Vous êtes enseignante chercheuse à l'université de Nanterre Paris 10. Vous avez publié en 2004 chez L'Harmattan un ouvrage intitulé « Les cinéastes noirs américains et le rêve hollywoodien » et vous contribuez régulièrement au magazine Africulture en tant que critique. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, sans tourner autour du pot, Griffith était-il raciste ? C'est une bonne question. D'ailleurs, vous l'avez posée tout. Enfin, c'est tout au long du récit, c'est oui. Une question qui est posée aussi dans le documentaire. Il y a pas la réponse avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est oui, évidemment. Surtout quand on voit le film, c'est quand même étonnant. Et d'ailleurs, vous avez bien insisté dans votre récit sur l'entracte. Et oui. Je pense que le film, dont tout le monde reconnaît les qualités techniques et narratives, est très intelligent de faire une première partie qui n'est pas excessivement raciste. Et du coup, on adhère complètement à l'histoire. Et ensuite, quand on revient à « Que va-t-il advenir de nous ?», la deuxième partie est beaucoup plus raciste. Les Noirs sont beaucoup plus présents, beaucoup plus caricaturés. Et oui, bon, indéniablement, le film est très raciste. Et l'époque, en fait, est... Et portez ça. Ah, je crois que nous avons perdu la liaison avec notre invité, donc nous allons la tenter une deuxième fois, le temps de faire une petite pirouette technique, de rappeler. On va entendre une minute, et madame va décrocher, et nous allons continuer l'interview. Si ça n'est pas possible, voilà, on a été coupé, nous sommes reliés, tout va bien. Alors, voilà. Allez-y. J'allais dans le sens du cousin de Griffith, si j'ai bien compris, c'était lui, qui disait que, bien sûr, en tant que quelqu'un qui a été élevé dans le sud des États-Unis à l'époque de l'esclavage, est presque forcément raciste. Et donc, voilà, ça correspondait à toute une idéologie dans laquelle il avait été baigné. Et oui, ce que je disais juste avant qu'on soit coupé, c'est que accuser quelqu'un d'être raciste, encore aujourd'hui, n'a quasiment jamais aucun effet d'adhésion. C'est-à-dire quelqu'un à qui on dit « tu es raciste », sauf grande ouverture d'esprit, sauf en fait de dire ça à quelqu'un qui n'est pas raciste, la personne n'admettra jamais qu'elle est raciste. Et alors, admettre qu'on est raciste, c'est déjà penser contre le racisme. Alors, quelle était sa défense ? suite aux critiques formulées à l'encontre de son film ? La liberté d'expression et puis une vision biaisée de l'histoire. L'histoire, il n'y a pas de vérité dans l'histoire. Les Américains du Sud étaient vraiment persuadés d'avoir défendu une façon de vivre, une civilisation, que les Noirs étaient véritablement inférieurs, qu'ils avaient besoin des Blancs pour être civilisés, que sinon ce seraient des sauvages. C'est exactement la thèse du film, c'est-à-dire dès qu'on donne sa liberté à des Noirs américains, ils retombent dans leur état duquel ils ne sont jamais d'ailleurs complètement sortis, de sauvages africains. Donc c'est aussi une image de l'Afrique, ça justifie d'avoir réduit en esclavage des gens qui en Afrique ne méritaient pas la liberté qu'ils avaient. Mais le film tourné par Griffith l'année suivante, en 1916, intitulé « Intolérance », est-il une réponse aux critiques ? C'est une réponse aux critiques qui lui sont faites. C'est-à-dire, c'est un film qui est une fresque, je crois, en quatre parties, quatre moments d'intolérance dans l'histoire, des intolérances auxquelles il s'identifie. Donc, par exemple, la Saint-Barthélemy en France, puisque Griffith est protestant, comme la très grande majorité des Américains blancs à l'époque. Et donc, il s'agit donc de parler de l'intolérance dont lui a été victime. C'est un discours qu'on entend encore aujourd'hui, des personnes blanches qui considèrent qu'ils sont victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme inversé. Donc je pense que si Griffith était encore vivant aujourd'hui, il adhérerait complètement à ces théories que les politiques de discrimination positive, etc., volent des places. Alors on a voulu combattre le racisme en créant un autre, voilà ce qu'on entend. C'est-à-dire que lui, il a l'impression d'être la victime, oui. Et de toute façon, les sudistes qui ont perdu la guerre dans leur sont des victimes, ne serait-ce que du Nord. Et d'ailleurs, le film accuse largement autant le Nord et les abolitionnistes que les Noirs. C'est aussi un film très anti-gouvernement fédéral, etc. Alors, je vais vous transmettre aux auditeurs ce que disait l'historien du cinéma Georges Sadoul en 1968. « Naissance d'une nation manifeste un racisme violent qui laisse loin derrière lui celui du roman à succès, autant en emporte le vent. Les nègres y sont peints comme des esclaves ou des criminels stupides, hantés par l'obsession du vol, du viol et du meurtre. Le républicain ami des noirs est décrit comme un odieux collaborateur. Le clan profondément raciste est représenté comme l'armée héroïque des Américains honnêtes. Faut-il pour cela juger Griffith, fils d'une famille ruinée par la guerre de sécession, comme un fasciste ? Ce serait simplifier les données du problème. Son racisme de sudiste, ou ses experts, un sentiment partout répandu aux États-Unis, est difficilement tolérable pour les pays latins, où la Révolution française a en partie détruit le préjugé de couleur. Cette critique semble nous dire séparer l'homme de son œuvre. Alors ça nous renvoie d'ailleurs à un débat actuel pour d'autres raisons. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'en fait, peut-être Georges Sadoul diabolise excessivement les fascistes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'autre qu'un fasciste ? En quoi Griffith n'est-il pas fasciste ? Est-ce qu'il pense vraiment que les fascistes ne sont pas des êtres humains qui se considèrent comme des victimes, qui croient en leur version de l'histoire ? Etc. Je pense que on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, 68, on commence à s'en éloigner. Mais en tant que Français, on a tendance à vraiment penser que les fascistes sont des êtres différents de nous. Mais je pense que par exemple, quand on est allemand, on n'a pas la même vision des choses parce qu'on a la conscience que tout un pays a été obligé de suivre et a largement suivi une idéologie fasciste dont elle était largement inconsciente. Et on connaît aussi avec l'histoire en Yougoslavie, beaucoup dans les années 90, avec tout un peuple serbe qui est persuadé que les Bosniaques vont venir violer les femmes, leur ouvrir le ventre et manger leurs bébés. Moi, j'ai entendu ça de la part de Serbes et ils y croyaient vraiment. Et d'ailleurs, suite à la suite à la fin de la guerre en Yougoslavie, il y a beaucoup de Serbes qui sont tombés de haut et d'autres qui croient encore aujourd'hui en cette idéologie et qui ont été extrêmement blessés, vexés, éberlués et transformés d'avoir cru ce qu'on leur avait dit. Et donc je pense qu'à nouveau, le cousin de Griffiths, il explique très très bien comment fonctionnent les êtres humains, c'est-à-dire que Griffiths, il a été élevé comme ça. Et tant qu'il n'en prend pas conscience, tant qu'il ne remet pas en question l'idéologie qui le construit, tant qu'il n'accepte pas la destruction de qui il est, que ça implique, il ne peut pas ne plus être raciste. Il est victime de son déterminisme familial, intellectuel, en fait. Et il y a aussi autre chose de très intéressant dans ce que dit Sadoul, c'est qu'il dit « ça n'arrive pas à la cheville, d'autant on emporte le vent ». Mais ça sous-entend quand même que « autant on emporte le vent » aussi est raciste, bien sûr. Qui est la vérité. Or, ça a été le deuxième énorme blockbuster de l'histoire du cinéma américain et est aujourd'hui considéré comme la deuxième grande étape de la fabrication des stéréotypes sur les Noirs américains, comme l'a décrit Donald Bogle dans ses livres. Et on a mis des années à voir « Autant on emporte le vent » comme un film foncièrement raciste. Et quand Spike Lee devient une figure médiatique dans les années 1990, il répète partout qu'il a été marqué dans son enfance par ce film, Autant on emporte le vent, et non pas Naissance d'une nation, et que ça lui a donné l'envie de faire d'autres films et de répondre à ça. Or, Naissance d'une nation a également donné naissance à un cinéma noir américain. C'est la première vague des cinéastes noirs américains. C'est en réponse à Naissance d'une nation, puisque vraiment, littéralement, Naissance d'une nation pousse Emmett J. Scott avec son ami Booker T. Washington, qui était un leader noir-américain, créateur de l'Institut Tuskegee, qui est une université dans l'Alabama, à essayer de monter la production d'un film qui s'appellerait Naissance d'une race et qui serait à la gloire de la race noire à travers le temps, la géographie, les âges et jusqu'aux États-Unis, jusqu'aux soldats qui se sont battus en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Et ce film, finalement, va mettre très longtemps à sortir et va être tourné par deux frères qui s'appellent Noble, dont l'un des deux, il s'appelle Noble, c'est facile à retenir, dont l'un des deux est un acteur à Hollywood et qui va mettre sa carrière en péril pour avoir monté une entreprise de production de cinéma dit film de race. On appelle ça des race movies. Film de race. Eh bien, dis donc. Voilà. Mais parce qu'aux États-Unis, le mot n'a pas du tout le même sens qu'en France. Hein, donc, on pourrait dire un film ethnique en France ou quelque chose comme ça, ou un film afro-américain. Et donc, ces films viennent directement en réponse à Naissance d'une nation. Et suite à Naissance d'une nation et aux manifestations des Noirs qui disent « mais ce n'est pas possible, c'est arrêter de montrer ces films » et qui en fait révèlent à des tas de producteurs noirs mais aussi blancs le besoin de faire des films pour le marché noir américain. Et c'est ce qui se passe, il y a une première vague. Alors, très mieux, ce qu'on va faire. Dans les années 20. Oui, vous m'entendez. Avant d'aller plus loin, c'est très intéressant, mais puisque vous parlez de Spike Lee, on va l'écouter. Spike Lee, qui cite le film de Griffith dans BlacKkKlansman, sorti en 2018, mais ses premiers liens conflictuels avec Naissance d'une nation, en fait, remontent à bien plus longtemps. Je vous propose de l'écouter dans cette interview extraite du documentaire Naissance d'une nation, Naissance d'une contestation, réalisé par Bester Crumb en 2017. Les personnes qui nous ont montré le film se sont répandues sur le génie de D.W. Griffiths, des techniques qu'il avait inventées. J'ai posé quelques questions, mais le prof a vu où je voulais en venir et n'a pas aimé. Je m'en suis inspiré pour mon film de première année. Mon film s'appelait La Réponse. C'était l'histoire d'un jeune réalisateur et scénariste noir qui est engagé par un grand studio pour faire un remake de Naissance d'une nation. J'ai pris les scènes les plus choquantes du film et je les ai incorporées au mien, La Réponse. Comme celle où le personnage principal préfère se suicider, sauter dans le vide, que de se laisser toucher par un noir. Voilà, Avant de vous faire réagir un crémieux, je me permets de signaler aux auditeurs que ce très beau documentaire sera diffusé sur la chaîne Histoire le 18 et 23 mars prochain, la semaine prochaine. Voilà, Anne Crémieux, ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben moi, j'ai la même expérience que Spike Lee, qui est que moi aussi, en cours de cinéma, à Paris 8, qui n'est pourtant pas un berceau du fascisme, par un professeur qui ne s'intéressait absolument pas à l'aspect racial du film et qui nous vantait ses prouesses techniques. Et il y a eu des questions dans la salle. Alors, il n'a pas du tout nié, mais il a quand même vraiment insisté sur le fait que oui, bien sûr, le film était très raciste, mais que quand même, c'était un chef-d'œuvre cinématographique. Et je pense effectivement que le monde du cinéma a changé, que c'est un discours qui devient totalement inaudible. On peut continuer à voir Naissance d'une Nation comme vraiment historiquement pionnier d'un point de vue technique, mais on ne peut plus passer à côté des questions de représentation. Et ça, je pense que le monde a changé, la réception a changé, le public a changé, en France comme aux États-Unis. Aujourd'hui, le cinéma, ce n'est pas que de la technique, quoi. C'est vraiment, c'est pas seulement esthétique. Ce n'est plus possible de voir un film comme ça sans en voir les contours idéologiques et sociétaux. Et Spike Lee, effectivement, a été inspiré, je pense, comme beaucoup de cinéastes noirs américains et de femmes à travers l'histoire. Spike Lee a bien lui-même inspiré des femmes noires américaines à faire du cinéma. Je n'en doute pas. Et ouvert la voie, Spike Lee? Oui, bien sûr, il a ouvert la voie de bien des façons. Tout d'abord par ses films et aussi par sa politique d'employer énormément le maximum de noirs américains sur les tournages. Et quand il a commencé et quand il a fait ses premiers films hollywoodiens, ce n'était pas du tout facile parce que il y a quand même des règles. Quand on fait un film à Hollywood, on doit passer par les syndicats et les syndicats étaient complètement fermés aux noirs. Comme c'est un système de cooptation, bah, il faut avoir quelqu'un qui vous intègre dans le syndicat. Et donc Spike Lee a vraiment imposé toutes sortes de techniciens noirs et techniciennes sur ses tournages. Et il y a toute une génération de cinéastes qui non seulement ont été inspirés par Spike Lee, c'est le cas de John Singleton qui était étudiant quand les premiers films de Spike Lee sortaient, mais qui ont aussi été assistants de production, cadreurs, etc. sur ces films. Et ça, c'est le cas de Darnell Martin, qui est la première femme noire à faire un film à Hollywood. C'est le cas de nombreux et nombreuses cinéastes noirs américains. Leslie Harris, c'est la première femme noire américaine à faire un film qui sort dans des salles. Julie Dash a aussi travaillé. Pratiquement, les collaborateurs de Julie Dash ont tous travaillé sur des films de Spike Lee. Donc, il a ouvert la voie à la fois du point de vue qu'on imagine, c'est-à-dire dans ses discours médiatiques, en faisant les films qu'il a fait, mais aussi vraiment très concrètement en donnant des opportunités de travail à toute une génération d'étudiants et de gens même qui n'avaient pas fait d'études, mais les écoles aussi se sont ouvertes et lui-même est devenu professeur à NYU et ça a eu aussi un gros impact sur les promotions d'étudiants dans la plus grande école de cinéma ou l'une des trois plus grandes écoles de cinéma aux États-Unis. Merci Anne Crémieux, ce sera le mot de la fin. Je rappelle le livre que vous avez publié en 2004 chez L'Harmattan, Les cinéastes noirs américains et le rêve hollywoodien. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Naissance d'une Nation, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Fabrice Desmas qui était à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Margot Pinel, Adrien Cara, Adrien Mora et Bertrand de Rotte, rédaction et recherche documentaire. Attaché de production maintenant, Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Philippe Pierrard, Damien Prévost, Florent Westerhoff et Marianne Thierry, réalisation Coyenne Guyenne, Aline Bisio et Benjamin Riquet.